السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 126 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah, Al-Furqan Bayna Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan. Et on a expliqué, dans les cours précédents, on expliquait les différents exemples des karamat, des awliya. Et on a expliqué les causes des karamat, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait que certaines personnes puissent yani avoir des karamat tandis que d'autres non. Et on a expliqué ces différents points-là. Et le fait que quelqu'un fasse une karama, ça n'indique pas qu'il est meilleur qu'un autre parmi les musulmans. Parce qu'il y en a parmi les meilleurs musulmans qui n'ont pas nécessairement fait des karamat, et que des gens qui sont venus après eux, qui étaient moins grands que eux, ont fait des karamat. Et donc c'est la preuve que de faire des karamat, c'est pas une nécessité, c'est pas une condition pour être un wali. Et ça ne veut pas dire non plus que la personne qui en fait est meilleure que celui qui n'en fait pas. Et là maintenant, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il va expliquer l'autre aspect ou l'opposé des karamat. Et l'opposé des karamat, c'est les ruses que font les alliés du shaitan, qui font toutes sortes de formes de... Parfois, ils font toutes sortes de ruses pour essayer de tromper les gens. Et ils utilisent parfois de la sorcellerie. Ils vont faire parfois de l'interaction avec les djinns pour essayer de faire croire aux gens qu'ils ont connaissance de qu'est-ce qui est caché, ou du raïb, de l'invisible, ou des choses comme ça, pour se faire passer pour des awliya, parce que les gens vont avoir l'idée que s'ils font ces choses-là, eh bien ça veut dire que ils sont des awliya parce qu'ils font des miracles ou des prodiges ou des choses comme ça. Donc le cheikh, il va expliquer maintenant des exemples de gens qui faisaient ce genre de ruse à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après, et comment les distinguer. Donc le cheikh, il dit: وَهَذَا بِخِلَافِ الْأَحْوَالَ الشَّيْطَانِيَّةِ مِثْلُ حَالْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سَيَّادِ الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال لكنه كان من جنس الكهان. Donc ici le cheikh explique, cheikh Ibn Taymiyyah, il parle des exemples, des choses qui sont à l'opposé des karamates, c'est-à-dire les états diaboliques, c'est-à-dire les états que le shaitan permet ou aide certaines personnes qui sont mauvaises et qui sont déviantes, le diable les aide à faire certaines choses pour tromper les gens ou pour attirer les gens, ou bien pour faire de l'argent avec des gens, ou profiter des gens. Et donc, il donne l'exemple d'un d'entre ces individus qui faisait ça, parmi les voyants, ou ceux qui se disent connaître le raïb, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Abdullah ibn Sayyad. Abdullah ibn Sayyad, on l'appelle Ibn Sayyad, parce que son père, c'était un homme qui était parmi les juifs, et on ne sait pas qui c'était son père exactement. Et As-Sayyad, la signification en principe, c'est le chasseur, le fils du chasseur. Naam. Walladhi, donc c'est lui que les gens pensaient que c'était le Dajjal. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains sahaba pensaient que il aurait pu être le Dajjal. Il est né à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il voyait seulement d'un seul œil. Donc, à cause de ça, Beaucoup de compagnons ont cru qu'il aurait pu être le Dajjal. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, permets-moi de le tuer. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si ce que tu vois, c'est-à-dire si il est celui que tu penses, alors tu ne seras pas capable de le tuer. Il a dit, Omar ibn al-Khattab a dit, permets-moi de le tuer au messager d'Allah. Il a dit, si c'est celui que tu crois être, alors tu ne seras pas capable de le tuer. Et il a eu des enfants, et parmi ses enfants, il y a un qui s'appelait Imara. Imara ibn Abdullah ibn Sayyab. Et il a été parmi les meilleurs musulmans qui sont venus par la suite. Et il était parmi les compagnons de Saïd ibn al-Musayyib. Saïd ibn al-Musayyib, c'était un parmi les tabi'in, ou tabi'in, si je ne me trompe pas. Il faisait partie des fuqaha de Médine, les grands savants de Médine. Donc Saïd ibn al-Musayyib, c'était un des compagnons du fils de Abdullah ibn Sayyab. Et son fils, lui, il a été bon. Donc c'est la preuve que quelqu'un parfois, son père peut être égaré, mais son fils peut être bon. Et parfois c'est le contraire. Le père peut être bon, puis le fils peut être égaré. Donc ça, yani, c'est juste pour dire que des choses comme ça sont possibles. Ensuite, le cheikh, il explique donc que Abdullah ibn Sayyad, il est apparu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on disait, les sahabas, certains pensaient que c'était le Dajjal. Et le professeur Sam, lui, il ne s'était pas arrêté sur une position à son sujet. Au début, il ne disait pas oui, il ne disait pas non. Puis par la suite, il a vu clairement qu'il ne pouvait pas être le Dajjal, mais que c'était quelqu'un qui faisait partie de la catégorie des médiums, ou des voyants, hein, ou des diseurs de bonne aventure, des choses comme ça. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire sur ce passage-là. Il dit, انتهى الآن من الكرامات وانتقل إلى الخوارق الشيطانية التي يضل بها كثير من الناس. سبق لنا أن الخارق للعادة إن جرى على يد نبي فهو معجزة، وإن جرى على يد ولي فهو كرامة، وإن جرى على يد عدو لله فهو خارق شيطاني وليس كرامة، وإنما هي خوارق شيطانية، فالشياطين يعملون مع أوليائهم من الإنس أشياء تخرق أو تخرق العادة عند الناس، يطيرون بهم في الهواء، ويسيرون بهم على الماء، ويحملونهم ويحضرون إليهم الأشياء الغائبة بسرعة من أجل أن يضلوهم ويضلوا بهم، فينبغي الفرق بين كرامة الولي والخوارق الشيطانية التي تجري على أيدي أعداء الله. فإذا جرى الخارق للعادة على أيدي أحد، يعني نظرت، وإن كان تقيا صالحا فهي كرامة، لأن الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإن كان فاجرا كافرا أو وإن كان فاجرا كفارا أو كفارا نعم وإن كان فاجرا كفارا فهي استدراج من الله عز وجل بأن سلط عليه الشياطين فصارت تظهر على يده أشياء لأجل الدجل والشعوذة وإضلال من ينخدع به بها من ينخدع بها. فالنظر إلى حالة من تجري على يده الخوارق، فإن كان تقيا مؤمنا فهي كرامات، وإن كان فاجرا شقيا فهي استدراج وهي خوارق شيطانية، فإن الشياطين تخدم أولياءها من الإنس فإن الشياطين تخدم أولياءها من الإنس ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض فبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فالله يولي بعض الظالمين بعضا بسبب كسبهم الكفر وإجرامهم في حق الله سبحانه وتعالى يسلط الشياطين على بني آدم لأجل أن يضلوهم ويصدوهم عن دينهم وهذا هو الاستدراج وهذا من الاستدراج ومن الإهانة وليس من الكرامة. Donc on va lire ça, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer. Le cheikh, il dit maintenant, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a terminé de parler des karamates. Et il passe maintenant aux choses surnaturelles qui sont d'origine diabolique. C'est-à-dire que les choses que les gens de l'égarement peuvent faire parfois avec l'aide du shaitan dans le but d'égarer beaucoup de gens. Et en effet, elles égarent beaucoup de gens. Et il dit qu'on a déjà expliqué que les choses qui sont surnaturelles et qui se produisent par la main d'un prophète, on appelle ça un miracle. Mu'jiza. Et si c'est quelque chose qui est surnaturel et qui se produit à la main d'un homme pieux qui a suivi un prophète, on dira dans ce cas-là que c'est une karama, un prodige. Et si c'est quelque chose qui se produit, qui est surnaturel, mais qui se produit par la main d'un ennemi d'Allah, alors on dira que à ce moment-là, c'est c'est quelque chose qui est diabolique. C'est quelque chose qui est surnaturel et qui est diabolique en même temps. Et que ce n'est pas un prodige ou une karama, mais que c'est seulement quelque chose de diabolique que le diable aide cette personne à faire. Et les diables, de façon générale, ils permettent à leurs alliés de faire certaines choses qui sont surnaturelles, comme par exemple, ils peuvent faire voler quelqu'un dans les airs, ils peuvent le faire marcher sur l'eau, ils peuvent le transporter, ils peuvent leur ramener des choses qui sont cachées et les ramener très rapidement, comme par exemple, quelque chose que quelqu'un a perdu, il ne sait plus où elle est, et bien il la ramène, il la fait revenir rapidement, et des choses de ce genre. Et tout ça, c'est dans le but d'égarer les hommes, et de faire en sorte que les gens soient égarés par ces choses-là. Et donc, il faut faire une distinction, et il faut être capable de discerner entre le wali et entre les trucs diaboliques que les shayatines font. Et qu'ils font se produire par la main des ennemis d'Allah. Donc c'est important d'être capable de distinguer entre les deux. Donc si tu vois quelque chose de surnaturel qui se produit par la main de quelqu'un, alors tu dois observer bien comme il faut. Si la personne est une personne qui est pieuse, une personne qui est bonne, alors tu diras dans ce cas-là que c'est quelqu'un qui fait une karama. C'est-à-dire si quelqu'un qui est musulman et qui est sur la piété, et qui s'accroche à la sunna, et qui fait quelque chose qui est surnaturel, tu vas dire ça, c'est une karama. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la définition des awliya, des serviteurs rapprochés. Il a dit, certes, les serviteurs rapprochés d'Allah, ils n'auront aucune crainte, ils ne seront pas attristés. Et il a dit, qui sont-ils? Par la suite, il a expliqué qui ils sont. Il a dit, ce sont ceux qui ont cru, et qui ont fait preuve de taqwa, de piété, qui se sont préservés d'Allah et de son châtiment, en faisant des bonnes œuvres et en s'écartant des péchés. Donc si quelqu'un fait des bonnes œuvres et s'écarte des péchés, et il est croyant, alors dans ce cas-là, ça veut dire que c'est un wali d'Allah. Et les awliya, bien entendu, sont par degré selon leur niveau d'obéissance à Allah. Donc le cheikh il dit, par contre, si c'est une personne qui est un pécheur, ou une personne qui fait beaucoup de péchés, ou qui renie la foi, alors c'est une forme d'istidraj. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que cette personne s'enfonce encore plus dans son égarement en pensant qu'elle est correcte. C'est ce qu'on appelle al-istidraj. Parce qu'il y a des êtres humains, parfois des gens qui rusent avec Allah ou qui essaient de ruser avec Allah et qui suivent leur passion, ils font des péchés et s'imaginent que ils peuvent continuer à vivre dans le péché et que Allah subhanahu wa ta'ala va pas les punir. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il les élève d'une certaine façon par toutes sortes de grâces qu'il leur donne et de biens. Et parfois, ils vont peut-être pouvoir faire ce genre de prodiges ou des choses comme ça qui sont étonnantes et surprenantes. Mais ce n'est pas parce qu'eux-mêmes sont pieux ou pas parce qu'ils sont bons, mais c'est plutôt pour les élever, pour qu'ils pensent qu'ils sont sur le droit chemin, pour qu'ils soient justement enfoncés encore plus dans leur égarement, et pour qu'ils soient châtiés dans l'enfer, dans l'au-delà, encore plus sévèrement. Et ça, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il ruse avec eux de la même manière que eux ont essayé de ruser avec lui. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il punit ceux qui rusent avec lui en rusant avec eux. D'accord? Et donc, c'est un exemple que ce qu'on appelle al-istidraj. Et les salafs, ils avaient beaucoup peur de al-istidraj. Parce qu'ils se disaient, si tu vois un serviteur qui continue à persister dans le péché, et malgré tout, Allah lui donne de ses grâces, alors faites attention parce que ça, c'est possible que ce soit al-istidraj. C'est-à-dire, c'est possible que Allah subhanahu wa ta'ala, il élève cette personne pour lui faire croire qu'elle est correcte, et en réalité, il est en train de l'égarer et de l'enfoncer encore plus dans son égarement pour augmenter son châtiment et sa punition dans l'au-delà parce qu'elle a essayé de ruser avec Allah. Ensuite, le cheikh, il explique que tu peux voir donc à la main de ces gens-là certaines choses qui sont surnaturelles. Et en réalité, c'est le shaitan qui a pris le dessus sur eux. Et il leur permet de faire toutes sortes de ce genre de tromperies, hein, pour tromper les gens et pour les égarer. Et donc, de regarder l'état de la personne qui fait des actes surnaturels, ça c'est quelque chose qui est important pour nous aider à distinguer quand est-ce que c'est quelque chose qui est effectivement une karama, et quand est-ce que c'est quelque chose qui est une forme d'istidraj, lorsque c'est un pervers par exemple. Donc si c'est un croyant, un pieux, on va dire que c'est une karama. Si c'est un pécheur ou un pervers, on va dire que c'est une forme d'istidraj, hein. Et si c'est des kuffars et des mushrikines, ou des gens qui font du shirk, même s'ils se disent musulmans, ou ils font du kufr, ou ils font du sihr, et qu'ils font des actes surnaturels, on va dire dans ce cas-là que c'est des ruses ou des actes diaboliques qu'ils font. Khawariq, khawariq shaytaniya. Khawariq, c'est des choses qui sont pas naturelles et qui sont diaboliques. Donc des choses, des actes surnaturels ou des choses surnaturelles diaboliques. Et le cheikh, il dit que les shayatines aident leurs alliés. Les diables aident leurs alliés parmi les hommes. Et il cite un verset dans Sourate Al-An'am, le verset 128 à 129. Donc, dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et le jour où on les rassemblera tous, hein, et on leur dira: ô communauté de djinns, Donc Allah va s'adresser aux djinns. Il va dire, ô communauté de djinns, vous avez trop abusé des êtres humains. Et leurs alliés parmi les êtres humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres. Pourquoi? Parce que les hommes, ils demandent des services aux djinns, c'est-à-dire les shayatins, les égarés parmi les hommes. Ils demandent des services aux djinns en échange de services de la part des hommes. Ou en échange de quelque chose de la part des hommes. Donc ça c'est la religion des sorciers et des gens qui font du sihr, des gens qui font de la magie ou qui ont ce genre de pratique-là. On trouve ça aussi chez les voodooistes. Ils ont cette relation-là avec les djinns, d'échange, de donnant-donnant. Donc ils offrent des choses aux djinns et les djinns leur offrent des choses en échange. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour où on les rassemblera tous, ô communauté de djinns, vous avez trop abusé des humains. Et leurs alliés parmi les êtres humains vont dire, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et leurs alliés parmi les êtres humains vont dire, nous avons, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres. Et nous avons atteint le terme que tu as fixé, hein, que tu avais fixé pour nous. D'accord? Et il leur dira, entrez en l'enfer. Hein, il leur dira, l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. Ainsi, accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. Donc, il donne le pouvoir à des injustes sur d'autres injustes pour les punir à cause de ce qu'ils ont acquis. Ensuite, le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit... Donc, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de ce que les kuffars ont acquis comme mécréance, comme crime envers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala donne le pouvoir au diable sur les fils d'Adam, à cause de ça. Et c'est dans le but de les égarer, et dans le but de les obstruer de leur religion. Et ça rentre aussi dans l'istidraj, c'est-à-dire dans le fait d'élever la personne pour l'égarer plus. Et ça fait partie aussi de l'humiliation et du rabaissement, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala leur fait subir. Et ça n'a pas rapport avec les prodiges ou les karamates des hommes pieux. Donc ça, c'est important de le comprendre. Ensuite, le cheikh, il continue l'explication du verset. Lorsque les hommes répondent, ô notre Seigneur, nous avons abusé les uns des autres. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Kayf? Istamta'a al-jinni bil-insi bi anna al-insi khada'a lahu wa anqada lahu wa 'asa Allah wa 'asa rusulah wa anqada lish-shaytan. Wa hadha yastamti'u bish-shaytan yastamti'u bihi ash-shaytan wa yafrahu bihi wa yastamti'u al-insi بالشيطان بما يخدمه به من الأمور الشيطانية من حمله في الهواء والمشي به على النار أو على الماء أو إحضار الأمور البعيدة أو إخباره بأشياء يعرفها الجن ولا يعرفها الإنس فهذا من الاستمتاع الإنسي بالجني. والعياذ بالله قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله هذا مصيرهم يوم القيامة الشياطين ومن اتبعهم من ومن أغواه ومن أغواه وصار معهم وإن خدموهم في الدنيا وغرر به وغرر بالناس أنه ولي من أولياء الله بل إن الخرافيين يعطون الولاية لمن يرون أنه لا يصلي ولا يصوم أعوذ بالله ويترك ولا يترك الفواحش ويقولون إنه ساقط عنه التكاليف وهذا بلغ مرتبة من الولاية والقرب من الله حتى إنه سقط عنه التكليف فليس في حقه حلال ولا حرام ولا تجب عليه الفرائض لأنه وصل إلى الله وهكذا يقول الشياطين والعياذ بالله فيعطون الولاية لمن يرونه لا يصلي ولا يصوم ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسل ويقولون هذا ولي من أولياء الله لأنه ليس بحاجة إلى الرسل وليس بحاجة إلى العمل وليس بحاجة إلى العبادة لأنه وصل إلى الله انظر كيف يبلغ الشيطان ببني آدم من التغرير والعياذ بالله. Donc ici le cheikh il explique un autre exemple. Donc il dit que les êtres humains ils répondent, ils disent « Oh notre Seigneur, nous nous sommes abusés les uns les autres. Nous avons abusé les uns des autres. Comment ?» Il dit « Les hommes ont abusé, les djinns ont abusé des hommes du fait que les êtres humains se sont soumis à eux et leur ont obéi et ont désobéi à Allah et ont désobéi à ses messagers. » Et ils se sont soumis au shaitan. Et ça, c'est de la manière comment le shaitan a abusé des êtres humains. Hein? Et il s'est réjoui. Hein? Et l'être humain, il a abusé du shaitan du fait que yani, le shaitan lui a fait faire des actes diaboliques et des choses diaboliques, des choses surnaturelles. Comme par exemple, de le porter dans les airs, ou bien de le faire marcher sur le feu, ou bien de le faire marcher sur l'eau, ou bien de lui ramener des choses qui sont très, yani, très loin, qui étaient très loin, et les ramener rapidement. Ou bien de d'informer à propos de certaines choses que le djinn connaît, que les êtres humains ne connaissaient pas. Donc ça fait partie... des abus des êtres humains vis-à-vis du djinn et des djinns vis-à-vis des êtres humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, et il dit le feu sera votre refuge éternellement pour y demeurer éternellement, excepté ce que Allah a voulu. Et il dit ça, c'est leur destination au jour de la résurrection, les diables. Et ceux qui les ont suivis, et ceux qui les ont trompés, et qui ont été avec les diables, même s'ils les ont servis, même s'ils les ont servis dans la dunya, ils ont trompé les êtres humains, en faisant croire aux gens que c'était des awliya, ou des serviteurs rapprochés d'Allah. Il dit pourquoi? Parce que parmi les gens de l'égarement et de la superstition, il y en a par exemple chez les soufis, tu vas trouver par exemple que quand ils ont un cheikh et ils pensent que ce cheikh-là c'est un wali, eh bien les soufis, ils croient que al-wilaya c'est quelque chose qui leur appartient. Et là, ils pensent que la wilaya, c'est quelque chose qui leur appartient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le wali, il peut décider de rendre wali qui il veut. Donc le cheikh, par exemple, supposons qu'il voit quelqu'un, il lui dit, bon, je te donne la wilaya, tu deviens wali. Automatiquement, il devient wali. Et donc, le cheikh, il explique que eux, ils pensent que c'est leur droit, en fait. Ils pensent que c'est quelque chose qui leur appartient. Ils peuvent le donner à qui ils veulent. Ils peuvent même le retirer à qui ils veulent. Et ça, c'est batil, yani. Parce que al-wilaya, c'est d'être rapproché d'Allah par l'adoration que tu fais et par le fait que tu t'écartes de ses péchés, des péchés. Donc, ça n'a rien à voir avec quelque chose que tu peux choisir ou que tu peux donner ou offrir ou enlever à qui tu veux. C'est de l'égarement de penser ça. Pourtant, chez les soufis, ça, c'est comme ça. Même il y a des histoires dans les livres, Allah musta'an, dans les livres des soufis, il y a une histoire même qu'un cheikh, il a donné le wilaya à un chien. À un chien. Et puis le chien, supposément, il est devenu un wali pour les autres chiens. Et que quand il est mort, le chien, les autres chiens allaient à sa tombe pour l'invoquer ou l'adorer. Toutes des histoires à dormir debout. Il y en a des histoires qui font aucun sens. Et eux, ils croient en ça. Donc, ils peuvent dire, par exemple, le cheikh ou le wali, il regarde quelqu'un, il lui donne la walaya juste par un regard. Et c'est comme ça que le cheikh, il explique, il dit, regardez, qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là. Ils peuvent même déclarer quelqu'un comme étant un wali, alors qu'il ne fait ni la salat, ni le jeûne, et il se permet de faire tous les péchés, tout ce qui est haram, malgré tout, c'est un wali. Et ça, on l'a vu dans certains pays musulmans, il y a des soufis comme ça, ils ont cette idée-là. Le cheikh, il a dit, lui, c'est un wali, écoutez-le, suivez-le. Alors l'autre, il sait rien de la religion, il fait même pas la salat, il fait pas le jeûne, tout ce qui est haram, il le fait, et tout ce qui est obligatoire, il le fait pas. Mais il est wali. Alors les autres soufis vont le suivre parce que le cheikh a dit que c'est un wali, il croit que c'est un wali, et il le traite comme un wali. Hein? Même ils vont faire du shirk avec lui. Et ils vont prendre tout ce qu'il dit et croire en tout ce qu'il dit, même s'il ne connaît rien de la religion. Donc ça, c'est l'exemple de l'égarement, hein, de ces gens-là. Et tu trouves des exemples de ça chez les soufis, c'est tellement grave. Alors le cheikh, il explique, il dit, yani, que la personne en question qu'ils ont désignée comme étant un wali, vont dire, non, lui, il n'y a plus rien de halal pour lui, plus rien de haram pour lui, c'est-à-dire il fait ce qu'il veut. Il n'y a plus d'obligation pour lui. Hein? Il n'y a plus rien qui est obligatoire, il n'y a plus rien qui est interdit, il fait ce qu'il veut. Et les gens, ils croient à ça. On a vu dans certains pays, j'ai vu ça dans certains pays, yani, des gens qui croient que leur cheikh, il peut leur donner le droit de pas prier. Par exemple, le cheikh, il dit à celui qui le suit, yani, toi, tu n'as plus besoin de prier maintenant. Ça y est, tu as atteint le degré de la piété. À partir de ce moment-là, tu n'as plus besoin de faire la salat. Et tu n'as plus besoin de faire le jeûne. Allah musta'an. Donc ça, c'est les exemples qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit dans certains pays. Il y en a, tu vois, qui se promènent avec la photo de leur cheikh. Soit ils l'accrochent à leur cou, ou soit qu'ils la mettent dans leur poche, dans leur portefeuille. Ils pensent que, hein, ils ont la bénédiction de la photo. Ils pensent que leur cheikh, il leur permet de pas prier, de pas jeûner, de faire qu'est-ce qui est haram, faire le zina, boire de l'alcool, prendre de la drogue, n'importe quoi, yani. C'est pas grave, t'es un wali, t'as atteint le degré de wilaya, t'as plus besoin de respecter rien de la religion. C'est comme si t'es devenu libre. Donc, il donne la wilaya à quelqu'un qui ne croit même pas en Allah, croit même pas au messager, qui fait pas la salat, qui fait pas le jeûne, et il croit que c'est un wali. Et qu'il n'a pas besoin des prophètes, il n'a pas besoin des messagers, il n'a pas besoin de faire des bonnes œuvres, il n'a pas besoin de faire des adorations, parce qu'il est déjà arrivé, il a déjà atteint Allah. Donc il dit, regardez à quel point, comment le shaitan peut égarer des fils d'Adam d'une façon aussi grave. Un égarement aussi grand que ça, qu'Allah nous en préserve. Le cheikh, il dit, Allahu Azza wa Jal, قال, Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. بهذين الشرطين الإيمان والتقوى فكيف يكون الفاجر الذي لا يصلي ولا يصوم ويفعل اللواط والزنا والفواحش ويشرب الخمر كيف يكون وليا لله مع أنه من أشد أعداء الله نسأل الله العافية فينبغي التفطن لهذا الأمر لأنه اشترى في الناس اليوم أو اشتهر في الناس اليوم لضعف الإيمان ولقلة العلم في هذا الزمان ولعدم نشر العقيدة الصحيحة من عقيدة أهل السنة والجماعة لما ضعفت هذه الأمور جاءت أضدادها في المجتمعات والآن يقولون إنهم يقيمون فضائيات بث فضائي للمخرفين وللسحرة والكهان وأعداء الله ورسله ويصفونهم بالولاية وبالعلم وبالتقوى فليحذر المسلمون من هذه الأمور Donc le Cheikh il dit Allah سبحانه وتعالى a dit dans le verset 62 et 63 dans Surat Yunus certes, les serviteurs rapprochés d'Allah, ils n'auront aucune crainte, ils ne seront pas attristés. Ce sont ceux qui ont cru et qui ont fait preuve de piété, c'est-à-dire qui ont attaqua. C'est-à-dire, ils font ce que Allah ordonne et s'écartent de ce que Allah a interdit. Et donc, par ces deux conditions-là, quelqu'un devient un wali, par la foi et par le fait de se préserver d'Allah et de son châtiment en faisant ce qui est ordonné et en s'écartant de ce qui est interdit. Alors comment serait-il possible que le pervers qui ne fait pas la salat, qui ne fait pas le jeûne, qui fait la sodomie, qui fait le zina, qui fait toutes les turpitudes et qui boit de l'alcool, comment pourrait-il être un wali d'Allah alors qu'il est parmi les plus grands ennemis d'Allah ? Nasallallahu al-afiyah. Il dit, il faut comprendre cette chose-là parce qu'aujourd'hui, c'est devenu populaire chez les gens. Il dit, à cause de la faiblesse de leur foi, à cause du peu de la science, le peu de connaissances qu'ils ont à notre époque, et parce que la science de la aqidah authentique, elle n'a pas été propagée. La aqidah des gens de la sunna, le sunna wal jama'a, les gens, ils ont perdu beaucoup de ces choses-là et c'est devenu faible maintenant chez les gens. Et c'est pour ça qu'on voit des choses qui opposent la aqidah le sunna dans beaucoup de sociétés. Et aujourd'hui, les gens, ils ont maintenant des chaînes satellites, c'est-à-dire les charlatans et les gens de la superstition et du sihr, de la sorcellerie et de la voyance. Il y en a des ennemis d'Allah et de son messager qui ont leur propre chaîne télévision sur les chaînes satellites et ils ont des émissions dans lesquelles ils font leur ils propagent leur égarement. Et les gens disent, ça c'est des awliya. Ils disent, ça c'est des gens de science, c'est des gens de awliya, c'est des gens de taqwa. Alors que les musulmans prennent garde de ces choses-là. Que les musulmans prennent garde de ce genre de choses. Allah al-musta'an. Parce que les gens sont naïfs. Les gens sont devenus simples, naïfs. Ils croient en n'importe quoi. Maintenant, les gens ils croient en n'importe quoi. Des choses qu'ils n'ont aucune preuve, aucune certitude, ils y croient avec certitude. Des choses qui ne font même pas partie de la religion. Des choses qui ne font pas partie de la religion, des choses de la dunya. Et puis, ils ont des doutes là-dessus. Et allez, des gens, ils ont des croyances. Maintenant, c'est devenu étrange. C'est devenu presque bizarre, comment certaines personnes pensent. Et quand tu demandes à ces gens-là, c'est quoi la preuve? C'est quoi ta preuve pour dire ça? Surtout en particulier les gens qui croient en toutes sortes de complots, de théories complotistes. Allahul Musta'an, yani. Si tu leur dis à ces gens-là, c'est quoi la preuve? Qu'est-ce que tu dis là? C'est basé sur quoi? Il dit, mon frère, les preuves, c'est clair, il faut relier les points. Il faut relier les points. Comment ça, il faut relier les points? Tu les relis avec n'importe quoi, n'importe comment. Hein, on dit que entre deux points, le chemin le plus court, c'est quoi? C'est la ligne droite. Mais si tu veux relier des points à tout prix, tu peux tourner autour de la Terre avant de revenir à l'autre point. Hein? Mais à la fin, tu reviens à l'autre point, mais est-ce que c'est le chemin le plus court? Non. Donc ça veut dire que tu fais 2 millions de détours avant d'arriver au point, là, puis tu prétends que tu as des preuves et tu as relié les points. Quel point tu as relié? T'as pas relié aucun point. Sauf avec ton imagination. Hein? Et en même temps, une chose qu'il ne faut pas oublier, moi, c'est une chose que je dis des fois à des frères qui croient en des trucs comme ça. Je leur dis, si vous pensez que qu'est-ce que vous avez compris ou qu'est-ce que vous avez trouvé comme complot ou comme ruse de la part des koufars contre les musulmans et contre l'humanité, que vous avez découvert quelque chose qui a dévoilé la réalité de leur complot ou de leur ruse, dites-vous qu'il y en a peut-être des milliers d'autres complots que vous ne connaissez même pas et que vous n'avez aucune connaissance de leur existence et qui sont en train de se passer maintenant. Et vous ne pouvez rien faire pour les arrêter, excepté par la permission d'Allah. Ça veut dire que pourquoi vous vous cassez la tête avec qu'est-ce qui est en dehors de votre capacité, qu'est-ce qui est en dehors de votre pouvoir? Vous ne pouvez pas changer rien à ça. Si ces soi-disant complots-là sont réels, soi-disant, n'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, wa makaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Ils ont comploté. Et Allah a comploté. Et Allah est le meilleur des comploteurs. N'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Et si vous êtes patient et que vous avez at-taqwa, ça veut dire quoi? Vous faites ce que Allah ordonne et vous vous écartez de ce que Allah a interdit. Si vous faites ça et que vous êtes patient et endurant, aucune de leurs ruses et aucun de leurs complots ne pourra vous faire aucun tort. Alors, qu'est-ce que tu as à essayer de, hein, te creuser la tête en train de déchiffrer des trucs que tu ne sais même pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu essaies d'interpréter. Puis après ça, tu essaies de dire, oui, il y a des complots, il faut connaître ça. Subhanallah, s'ils voulaient vraiment faire un complot ou une ruse, tu penses qu'ils l'auraient dévoilé? Pourquoi ils le dévoileraient? Hein? Ça ferait aucun sens. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve de ça. Et si nous, on fait ce que Allah nous ordonne de faire, eh bien ça va nous épargner. Hein? Et ça va pouvoir mettre une fin justement à leur capacité de pouvoir mettre en marche justement n'importe quel de leurs complots. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala dit wala yahiqu al-makru as-sayyi'u illa bi ahlihi. C'est-à-dire que les complots perfides que ces gens-là font, il ne retombera que sur ceux qui ont été les auteurs de ces complots-là. Pourquoi tu te casses la tête? Pourquoi tu te casses la tête? Ok, parfait. Barakallahu fik. Donc le cheikh il explique et il dit pour terminer, on va terminer avec ça. Le cheikh il dit عبد الله بن سياد هذا ظهر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الى المدينه كان يعني يظهر عليه اشياء ظنوه انه الدجال الكذاب. النبي صلى الله عليه وسلم اختبره باشياء فتبين انه ليس هو الدجال. ولما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله فتركوه. فهذا دليل على أن الخوارق تأتي على يد من ليس من أولياء الله. الدجال أكبر الكذبة وأكبر عملاء الشيطان. الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان ويكون معه خوارق ويكون معه جنة ومعه نار ويأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويقتل الرجل ويمشي بين قطعه ثم يأمره فيقوم حيا. هذه خوارق لكنها خوارق شيطانية وتدجيل وكذب. فلا يغتر بهؤلاء. Ça c'est un point important ici que le cheikh il dit. Il dit qu'Abdullah ibn Sayyad, il est apparu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu à Médine. Et on a vu apparaître, il y en a de lui, certaines choses surnaturelles, des choses étonnantes. Et les gens ont cru que c'était le Dajjal, le grand menteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a testé par certaines choses. Et il a vu clairement par la suite que ce n'était pas le Dajjal. Et il a dit à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse-moi au messager d'Allah, je vais lui couper le cou. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si c'est lui vraiment qui était le Dajjal, alors tu ne seras pas capable de le tuer. Mais si ce n'est pas lui, alors il n'y a pas de bien dans le fait de le tuer. Si ce n'est pas lui, il n'y a aucun bien dans le fait de le tuer. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari dans le hadith de Ibn Omar. Vous voyez la sagesse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il a répondu à Omar ibn al-Khattab. Il a dit, si c'est lui, tu ne pourras pas le tuer. Et si ce n'est pas lui, il n'y a pas de bien dans le fait de le tuer. Alors, ils l'ont laissé. Hein? Et ça, c'est... Hein? Pardon? Oui, c'est Isa qui va le tuer à la fin des temps. Hein? Après, le Géril dit, ils l'ont laissé. Oui, parce qu'à la fin des temps, Isa va tuer le Dajjal. Naam. Et là, le Cheikh, il dit ensuite, ils l'ont laissé. Et il dit, ça, c'est la preuve que même les gens qui sont parmi les ennemis du diable et qui ne sont pas des alliés d'Allah, ils peuvent faire des actes surnaturels. L'exemple, c'est le Dajjal, qui est le plus grand démenteur et qui est le plus grand allié et le plus grand agent du shaitan, le grand Dajjal, celui qui va apparaître à la fin des temps et qui va avoir avec lui plein de choses surnaturelles qu'il va faire. On dit par rapport au Dajjal, on dit que par rapport au Dajjal et ses caractéristiques, qu'avec lui, il va avoir le paradis et l'enfer. Il va avoir avec lui le paradis et l'enfer. C'est-à-dire, il va avoir un jardin et un feu. Et ensuite, il dit, il va pouvoir ordonner au ciel pour faire tomber la pluie. Hein? Donc, il va dire au ciel, fais tomber la pluie va tomber. Et il va ordonner à la terre de faire pousser les plantes, et les plantes vont pousser. Il va couper une personne en deux. Il va le tuer, il va le couper en deux. Il va marcher entre les deux morceaux et il va le recoller. Il va être la personne va être encore vivante. Tout ça, c'est des exemples de choses surnaturelles. Mais ce sont des choses diaboliques. En réalité, c'est le shaitan qui lui permet de faire ce genre de choses-là. Et ça fait partie des mensonges. Et donc, les gens ne doivent pas être trompés par ça. Donc, si aujourd'hui, par exemple, tu vois quelqu'un qui arrive à faire des tours de magie, des illusions, des formes de sihr, qu'il prétend de connaître l'avenir, ou toutes sortes d'autres choses comme ça, eh bien, tu dois savoir que ça, c'est des ruses du shaitan, et il ne faut donc pas te laisser tromper par ça, et que ça ne veut pas dire que la personne est un wali parmi les awliya d'Allah, surtout que tu vois que cette personne est une personne qui est dans le shirk ou dans le kufr ou dans toutes sortes d'égarements et dans les bid'ah. Donc tu dois savoir que cette personne-là est aidée par le shaitan. Donc on va s'arrêter aujourd'hui à ce point-là. On continuera la suite au prochain cours, inshallah.